Chapitre 13e. Florence est ravie d'apprendre l'engagement pris par sa sœur et M. Pinroff. Amélie s'associe à sa façon à la joie de sa jeune maîtresse, en chantant chaque jour une chanson plus gaie que la veille. Devant sa mère, Barbara joue le calme, elle s'efforce même de sourire, mais en réalité, la perspective de l'amour est pour elle un véritable épouvantail. Elle témoigne à M. Pinroff une politesse glaciale qui aurait rebuté tout autre que lui, mais il accepte l'indifférence comme quelqu'un qui ne peut espérer mieux. Les demandes de fonds à M. Trevenock n'ont pas plus maintenant de raison d'être que les autres expédients auxquels il avait fallu avoir recours, car M. Pinroff a remis à sa fiancée 100 livres pour faire face aux exigences du moment. Barbara s'est empressée d'envoyer Amélie retirer sa bague chez le prêteur sur gage, et elle a écrit à la mère de George Leland en la priant de faire parvenir à son fils ce précieux bijou. Des larmes de regret coulent de ses yeux sur la lettre. Le raisin, le vieux vin, les primeurs, les fleurs arrivent à profusion à la Villa des Roses. Mais toutes ces douceurs sont moins efficaces pour rendre la santé à Madame Trevenock que la quiétude dans laquelle elle nage depuis qu'elle sait le sort de ses filles assurées. Une semaine se passe sans que Barbara reçoive de réponse à sa missive. Enfin arrive une lettre bordée d'une large bande de deuil. « Chère Mademoiselle Trevenock, je ne doute pas que vous appreniez avec peine la perte douloureuse que nous avons faite. Notre mère bien-aimée nous a été enlevée après une courte maladie au mois de novembre dernier. C'est un cruel chagrin pour nous. J'enverrai la bague par le prochain courrier. Je regrette que tout ait été rompu entre vous et George, quoique ce soit peut-être un bonheur pour tous les deux. Mon frère n'a pas eu de chance dans l'Inde, et il n'est pas dans une position qui lui permette de penser au mariage. La nouvelle que vous êtes fiancée lui causera certainement une grande surprise. Bien à vous, Marie Leland. » Un nuage passa devant les yeux de Barbara. « Il n'a pas eu de chance dans l'Inde, » répète-t-elle en soupirant. « C'est sans doute là ce qu'il a décidé à me rendre sa parole. S'il m'avait véritablement aimé, il ne m'aurait pas quitté ainsi. » Mais tout est fini et je dois l'oublier. » Elle fait tour à tour appel à son courage et à sa raison, trouvant à la fois bien long et bien court les jours qui la rapprochent du moment où il faudra prononcer le mot suprême et définitif. À mesure qu'elle voit arriver l'instant où elle devra quitter sa mère, sa tendresse filiale s'exalte de plus en plus. La pensée d'aller s'établir à Penhoff Place semble lui faire éprouver un sentiment de terreur. Le printemps se décide enfin à tenir ses promesses. Le frais bouton d'avril s'est épanoui. L'amandier est en fleur, le lilas bourgeonne, le bouton d'or scintille dans l'herbe verte. Madame Trevenot peut maintenant descendre au jardin pour prendre le soleil pendant une ou deux heures. Barbara ne la quitte pas plus que son ombre. « Je ne sais, ma mère, » lui dit-elle un jour en levant vers elle ses beaux yeux humides de pleurs, « ce que je deviendrais sans vous. Mais ma chérie, vous aviez bien accepté jadis d'aller aux Indes. Cornouailles n'est pas aussi loin, ce me semble. Puis, M. Penroth est si bon qu'il ne peut manquer de nous inviter souvent à vous aller voir. La vie ne me sera supportable que lorsque vous serez près de moi. Je suis navré de vous entendre parler ainsi. Si vous sentez que vous ne pouvez être heureuse avec M. Penroth, eh bien alors il faut rompre ce mariage. Non, ma chère, un mariage rompu suffit dans ma vie. Mais vous ne supposez pas, n'est-il pas vrai, que je l'aime passionnément, ma chère enfant. J'espère pourtant que vous serez une bonne et heureuse femme. Quand on a obtenu ce qu'on désirait le plus au monde, on n'a pas le droit de se plaindre, je le sais. Mais en dehors de la joie inénarrable que j'éprouve à vous voir renaître à la vie, ma destinée me semble bien cruelle. C'est une destinée que 99 femmes sur 100 vous envieraient. Autant dire que 99 femmes sur 100 sont prêtes à se sacrifier à des avantages pécuniaires. Oui, ma chère enfant, c'est possible. Quand elles ont fait comme vous la douloureuse expérience de la gêne et de la pauvreté. La douloureuse expérience? Ah, ma mère! Mais ces jours-là seront toujours, quels que soient ceux que le sort me réserve, les plus doux et les plus heureux de ma vie. Tout est arrangé. Le jour du mariage est fixé au 20 mai. Ce point décidé, il s'agit de s'occuper du trousseau et de la toilette de la mariée. Barbara ne se prête à ces préparatifs qu'avec une suprême indifférence. En résumé, c'est Florence qui choisit et qui décide tout. « Il y a des gens, dit-elle, qui ne font pas cas de la toilette et qui n'y entendent absolument rien. Eh bien, Barbara est de ce nombre. C'est un don qui lui a été refusé. « Il te faut quelques costumes de dîner, » reprend-elle en s'adressant à sa sœur. « Puis une robe de velours. L'auras-tu noire ou grenat ? Je la préfère noire. »« Mais tu es donc vouée au noir ? Car tu as déjà plusieurs robes noires. J'aime le noir. » M. Penruff demande que la cérémonie du mariage soit tout intime. « Quand un homme de mon âge, dit-il, épouse une jeune fille, il ne tient pas à se donner en spectacle. » Il insiste aussi pour que M. Trevenoc remplisse son rôle de père à la cérémonie. On croyait généralement à Camberwell que Mme Trevenoc était veuve. Aussi, du moment que son mari doit reparaître à la surface, elle renonce facilement aux invitations, aux voitures de gala et au lunch après la cérémonie. Il est convenu que Barbara sera mariée en costume de voyage, qu'elle se rendra avec son mari de l'église au chemin de fer, en route pour Paris, où ils doivent passer leur lune de miel. Le 20 mai arrive fatalement, bien que Barbara eût vécu jusque-là en se berçant du fol espoir que quelque événement étrange, extraordinaire, viendrait s'opposer à l'accomplissement de cet horrible mariage. Elle songe à l'histoire d'Iphigénie. Elle se rappelle que la déesse apaisée a envoyé un cerf à l'autel du sacrifice et que la douce victime a été emportée sur un nuage au séjour d'une éternelle félicité. Elle se flatte que George Leland tombera du ciel ou de l'Inde pour la sauver. Elle rêve qu'un héritage phénoménal va leur procurer la fortune et lui rendre la liberté. Il y a des malheureux qui peuvent dormir la veille de leur exécution, mais Barbara n'est pas de ce nombre. La nuit du 19 au 20 n'a été pour elle qu'une longue insomnie. Elle se lève, sans avoir goûté un instant de repos. Elle passe une robe de chambre de cachemire blanc et va s'asseoir devant un petit bureau où elle a serré les lettres de George Leland. Le moment est venu de se séparer pour toujours de ce trésor si cher. Elle allume une bougie et se prépare à réduire en cendres ses doux témoignages d'un pur et ardent amour, mais tout à coup, son courage s'évanouit, une pensée traversant son esprit la retient. L'horloge sonne 6h30. « Allons, j'ai encore le temps. Personne ici ne se lève avant 7h. Je ne veux pas brûler ces lettres, mais les enterrer. » Elle les met toutes sous une même enveloppe, les cachette et écrit dessus « Lettre de George Leland, 1855. » Puis, après y avoir déposé un long baiser, elle les renferme dans une boîte de fer blanc et descend dans le jardin. Elle va chercher une bêche dans la serre, creuse avec rapidité un trou entre des cailloux de lys et des racines de figuier. Lorsqu'il lui semble suffisamment profond, elle s'agenouille et met la petite boîte dans son tombeau, puis elle la recouvre de terre, l'arrose de larmes et appuie dessus son petit pied. « L'année prochaine, se dit-elle, les lys croîtront sur la fosse où repose mon bonheur. Ah, qui sait si dans ma vieillesse, je n'aimerais pas à revenir au souvenir de mes premières amours. » Barbara rentre dans la maison. Il est 7h. Elle tremble comme une feuille. « Grand Dieu, qu'as-tu ? » s'écrie Florence, assise sur son lit, et la tête couverte de grandes épingles en écailles à onduler les cheveux. « Je suis allée cueillir un lys pour mon bouquet de mariée, » répond-elle à sa sœur d'un ton dégagé et presque gai. Tous les anges me rappelleraient à pareil jour cette promenade matinale. » Elle s'habille avec autant de tranquillité que si la cérémonie du mariage était l'événement le plus ordinaire et le plus simple de la vie. Elle descend dans le parloir où le thé est servi. Madame Trevenoc, pâle et amaigrie, porte un costume classique de faille grise. Elle se demande comment M. Trevenoc va l'aborder. Voilà 12 ans qu'ils ne se sont vus. Florence semble agitée par la pensée que sa coiffure est manquée et qu'elle eût beaucoup mieux fait de ne pas forcer la nature. Barbara est la plus calme des trois. Ses joues sont légèrement colorées, ses yeux ont un éclat inaccoutumé. « Je ne vous ai encore jamais trouvée aussi belle, » dit Madame Trevenoc à sa fille. « Votre toilette fait ressortir votre teint si mat et si blanc. » On avait fini par obtenir de Barbara qu'elle ne se mettrait pas en noir le jour de son mariage. Elle portait un costume grenat foncé de la plus élégante simplicité. Son chapeau ne dénotait pas la moindre prétention à l'effet. « Comment pas un brin de fleur d'oranger ?» dit Florence à sa sœur. « Mais regarde un peu ce beau lys, » répond Barbara en montrant à sa sœur celui qu'elle avait attaché à son corsage. Nous sommes en mai. Le ciel est gris comme au mois de mars. Madame Trevenoc et ses filles quittent la Villa des Roses en voiture de place. Monsieur Trevenoc les attend sur le seuil de l'église. Près de lui se tient Monsieur Mulford. Une vive contrariété perce en ce moment dans la contenance de Barbara. La présence de cet individu lui faisait l'effet d'une insulte. elle sait qu'il n'est venu là que pour lui rappeler Southampton. M. Trevenock échange avec sa femme une poignée de main et lui demande de ses nouvelles. Il semble se dire qu'il agit au mieux des intérêts de ses filles et que tout autre eût été arrêté par tant de difficultés. Un homme habile et persévérant, il a fait en sorte que Barbara est déjà en possession, par contrat rédigé en bonne et due forme, d'une propriété évaluée à 12 000 livres sterling au bas mot. La cérémonie s'accomplit promptement, un ministrage est uni, sans s'en douter, la richesse à la pauvreté. George Leland ferait-il en ce moment son apparition? Fut-il même riche, triomphant et toujours fidèle? Tout est consommé. Barbara Trenbock est désormais Madame Penrith.